Pourquoi mourir pour du charbon ? Horreur, c'est le grisou qui passe, c'est le minotaure odieux, que rien n'attendrit, rien ne lasse, qui dévore les malheureux. Il vient de frapper sans victime, tel est l'écho de la rumeur. Prions pour ces héros sublimes, glorieux martyrs du labeur. Ce texte, écrit par Jacques Vacher, un poète local, fut chanté à la fin du XIXe siècle par les mineurs du centre de la France sur des airs connus. Il rappelle la période la plus dramatique dans l'histoire de ce prolétariat. Depuis la fin des années 1860, une succession de catastrophes avait fait des centaines de morts. Mais la plus terrible eut lieu le 3 juillet 1889. À 11h45, un coup de grisou dans la 13e couche du puits Verpilleux, appartenant aux Houillères de Saint-Étienne, fit 207 victimes. La presse de l'époque évoqua un ouragan souterrain, composé de poussières enflammées et de gaz brûlants, qui ravagèrent plusieurs kilomètres de travaux. Il fallut plus de 2 mois pour extraire les cadavres des décombres, mais plusieurs corps restèrent enfouis sous ces décombres. En 1956, 3/4 de siècle après la catastrophe, lors des travaux de rénovation du puits de Verpilleux, on découvrit des ossements provenant sans doute des cadavres des mineurs ayant péri en 1889. Cette catastrophe, la plus meurtrière que la France ait connue jusque-là, suscita une intense émotion dans tout le pays. Lors des festivités du 14 juillet, des quêtes furent organisées dans de nombreuses localités pour venir en aide aux familles des victimes. L'ampleur du drame alimenta une vive polémique concernant les causes et les responsabilités. Pour le patronat, relayé par la grande presse, c'est la fatalité et l'erreur humaine qui expliquaient la catastrophe, alors que les syndicats accusaient, pour leur part, les propriétaires des houillères de Saint-Étienne. L'enquête ne permit pas d'établir la cause directe de l'explosion et le procès qui eut lieu du 4 au 17 septembre 1890 n'aboutit à aucune condamnation. Mais cette catastrophe joua néanmoins un rôle essentiel dans la conquête des droits sociaux par le mouvement ouvrier. Dans la région de Saint-Étienne, la figure de proue de la lutte syndicale s'appelait à cette époque Michel Rondet. Issu d'une famille de mineurs, il avait fondé en 1866 une société de prévoyance pour les ouvriers mineurs appelée la Fraternelle. Élu secrétaire général du syndicat des mineurs de la Loire, le 23 décembre 1881, son action s'élargit au plan national au Congrès corporatif des mineurs en octobre 1883, qui vit la naissance de la Fédération nationale des mineurs dont Rondet fut le secrétaire fédéral pendant 13 ans, de 1883 à 1896. Il fut ainsi le porte-parole au niveau national des mineurs qui accusaient le patronat d'être responsable de la catastrophe qui s'était produite le 3 juillet 1889. La loi sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, qu'il avait contribué à élaborer, fut débattue au Parlement pendant 5 ans, car les sénateurs ne voulaient pas que les compagnies houillères cèdent un peu de leur pouvoir aux ouvriers. L'impact national de la catastrophe du 3 juillet 1889 fut néanmoins décisif pour l'adoption de cette loi le 8 juillet 1890, qui fut une étape importante dans l'histoire des droits sociaux.